Ici Jean-Charles Bernard. Et je dis à nous pour continuer dans le voyage que nous avons entrepris depuis un bon bout de temps sur la Bible. Je dis à nous pour commencer l'étude là avec un verset que nous lisons dans Psaume 51, verset 8. Psaume 51, verset 8. Ben non, une révélation, texte l'a dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Mes paroles qui pourraient servir nous de squelette, je dis, hein? Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Frères, sœurs, amis, ou même cap koutem, je dis à la, parole l'a dit, ça bon Dieu voulait, c'est pas que me gagne une belle Bible, une Bible qui gagne belle page, qui gagne petit lot sur tout ce côté yo, belle Bible en couleur, belle couverture sur Bible là. C'est important pour me gagne une belle Bible. Mais ça que bon Dieu voulait, ce que Dieu veut, il veut que la vérité soit au fond du cœur. Ça pas servir en rien que mon Bible si sa Bible a gagné en dalle là rit sous papier mais pas rentré en dans cœur. Donc toujours dit Bible c'est une nourriture. Ta parole elle est là pour servir nous de nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, on pas gagné aucun intérêt pour moins gagner une bonne pomme sur table à caille moins gagner banane, moins gagner pomme, moins gagner toute qualité fruit, moins gagner toute l'autre qualité manger, mais il aurait été bien installé sur table là. Yo pas porter aucun médicament ou bien aucune vitamine pour moi si me pas prend manger ça, mettez la bouche moi. Moulel, m'valel, c'est l'œil rivé en dedans comme moi que effet gagnant a capable agir pour moi. C'est même genre tout si la Bible moi gagnant li comme une belle Bible qui était sous table là, li pas servim en rien. Ça important c'est prend parole là, mettez vérité ça qui bon au fond de mon cœur. On va reprendre pour nous ça Jésus dit qui révélait comment peuple d'Israël là pas capable guérir à nous dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 pour révéler nous quelque chose ici. Matthieu chapitre 13, m'a lu à partir verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Sinon, quittez les yeux nous sous texte là, pas oublier nous t'apprendre déjà pour nous garder texte là avec attention. Gardez ça qui passe là. Que peuple là vient insensible. Peuple là lui-même ferme les oreilles pour pas attendre. Lui ferme les yeux pour qui raison? Parce que le pavlé pour le ouais à Xiel, le pavlé tendait à Xoraïli. Et si le pavlé à Xiel, le pas tendait à Xoraïli, le pape comprend. de comprendre de leur cœur. Et si yo pas comprendre dans cœur yo pas converti et même pas ka guéri yo. Gardez bien pour nous wè. Guérison wè, n'a commencé en bas pour nous monter. Guérison wè, efficace lorsque moins converti. Converti a vle di on comprendre parole là dans cœur. Comprendre dans cœur vle di m'ouvri oreille moi pour m'entendre, m'ouvri yeux pour m'wèl. Maintenant là nous gè processus là. Yeux sous parole là, oreille moi branché la donne, cœur comprendre ni changement opéré dans la vie, me converti et la guérison vini automatiquement le résultat final. On tourne dans Proverbe chapitre 4 ensemble. Proverbe chapitre 4. Nous avons remarqué, gagner une série de bagailles, nous tournons sous yo. Parce que j'ai moins dit nous là, nous pas pressé. Là, nous chita pour nous apprendre pour changement profond dans la vie. Nous connaissons un monde qui tout bagaille pressé. C'est un monde presse-bouton, pressé, rapide. Mais les solutions durables, ils pas pressé. Moi, je dis, si vous avez besoin de gagner zeb, ça prend une semaine pour gagner zeb, plein zeb dans la cour. D'ailleurs, quand il y a, il est capable de venir avec zeb là, tout pousser, on est installé dans la cour. Je dis, ah ouais, la cour là, t'es comme ça, demain matin, il est vert, il est belle. Mais il n'est pas duré tout. Mais l'on besoin de gagner un pied mapou. Ça prend temps pour construire pied mapou ça. Et le pied ça, fin bail, salve le bail là, le l'installer, c'est pour tout le monde lever pour garder. Proverbe chapitre 4, verset 20 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Quittez attention sous paroles là, tout le temps, tout le temps. Sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Nous, même mot, d'abord là, qui voulait dire parole là. C'est même moi qui voulait dire discours là. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les, où ça? Dans le fond de ton cœur. Psaume 51:8 dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais côté pour vérité à chita. Changement besoin. Mandez pour vérité. Parole bon Dieu. Chita dans le cœur. Dis-nous déjà. Nous pas qu'à gagner solution problème que nous gagnons dans la vie. Si Bible nous est fermée en dakaï. Premier sac pour fête pour que problème envahisse, c'est bivouac pour fermer. Ou pas l'île, ou pas intéressé à l'île. Tes yeux ne sont pas restés branchés sur la parole. Tu ne donnes pas attention à la parole. Lorsque je parle de parole, là, toute attention. Lorsque je parle de parole, là, priorité dans la vie. Lorsque c'est pas parole, là, qui gagne un dernier mot dans la vie, il pas descendre dans le cœur. Comme pas changé, automatiquement, guérison, pas capable de faire, mais gardez programme là. Yeux sous parole. Oreilles moins branchées dans ses discours, ses paroles, sa voix. Et processus là, tout ça me garder. M'regarder, l'irrite dans le cœur. L'un de l'école, nous songez. Qui j'a pour me faire m'étudier pour pas l'arrêter dans le cœur, pour me prendre le son en par cœur. Je dis toujours sous yeux, et puis m'a répété. Là, je dis, allez étudier le son, ça me fait. Je quitte j'aime sous le livre là, et puis m'a répété. Yeux me la donne, m'a répété. Yeux me la donne, m'a répété. Qu'on est venu connaître par cœur. Quel que soit côté m'a dormi, yo levé, je posais une question, on m'a dit, Kaonabo fut mis en prison à Hispaniola, et quelques mois plus tard, il fut disparu en mer avec le bateau qui le transportait. Pourquoi ça me compte ça jusqu'à présent? Parce que je me quitté devant Dieu et me répétait. Me répétait. Je me répète, il vient rentrer dans le cœur. Donc, quel que soit l'heure, je pose une question sur Kaonabo. Ça m'a étudié depuis l'homme de dans préparatoire 2 ou préparatoire 2, justement. Depuis le ça m'a continué sur ça, il était là dans la tête. C'est exactement ça, principe-là. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est là pour vérité aller. Pas sous table là, pas dans valise là, pas dans téléphone là, pas sous chaise machine, pas dans coussin, pas dans coffre machine. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Zamim, frère, mariage roi a réussi lorsque la parole de Dieu chita dans le cœur. Conseil de réaction besoin fait. Conseil de action besoin poser. Si la vérité est au fond du cœur, Matthieu dit conversion à la fête. Et le conversion en fait, guérison à la fête. Le conversion en fait, guérison aussi efficace. C'est pour cette raison ça, il faut que la vérité soit au fond du cœur. Donc, c'est raison ça qui fait tout, nous obliger à prêcher parole. C'est raison ça, nous obliger à enseigner parole. Nous obliger à prêcher parole là, enseigner parole là, dit parole là sous la vie nous, dit parole là sous timoun nou yo, dit parole là sous situation ou dit parole là sous compte en banque là, dit parole là sous qui, sous chéquier là. Chekia, ou rien pas qu'à marcher là-dedans, ni tout rouge, alors prends Chekia, parlez parole bon Dieu à sous lui. Pour qui raison? Parole bon Dieu à lui. Anon lire l'autre verset. Anon lire dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Lui dit. Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » La parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante, ça veut dire c'est une parole qui en vit. Comprendre ça avec Jésus qui dit dans Jean chapitre 6 verset 56 Jean chapitre 6, verset 56, Jésus dit, Jean 6, 56, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Je veux le verset 63. « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles, c'est ce texte que je voulais, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Vivifie, ici, il vous l'a dit, qui bat la vie. La parole de Dieu, elle est efficace, mais elle est vivante. Zamim kembe sa jodi a. Mais raison qui fait nous obliger étudier parole là. Mais raison qui fait nous obliger enseigner parole. Montrer timoun nou yo parole là. Parce que parole là, li vivante. C'est différent ça qui fait entre la Bible et n'importe quel autre livre. La parole de la Bible est vivante. Elle est esprit. Pour qui ça esprit? C'est spirituel. Et qui partit dans comme li pral nourri, c'est pas vote moi. C'est pas intelligence moi il pral nourri. Li pral nourri partit dans moi qui spirituel là, qui esprit là, ça veut dire cœur. Donc qui ça pour me faire? Jésus dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ça me fait, me prend parole ça, et le m'a abordé la Bible, m'a et entré dans la Bible, c'est pour me toujours songer ça. La Bible est un livre qui vivant. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La Bible, c'est un livre qui, c'est un livre en vie. On doit bien comprendre ça. Donc, c'est ça qui va permettre la vie vienne sous moi. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et texte la dit, est efficace. Comment on va comprendre le mot efficace là? L'homme gagne une douleur mal tête. On prend une graine saridon. Matin moi après 2-3 minutes mal tête la passé. Le samedi ah ça rit dans moi efficace. C'est exactement l'idée ça que texte la bombe. La Bible elle est efficace. Ça veut dire pour ça la Bible là, là depuis me prendre pour ça là la fait et fait doit faire. J'ai Isaïe 55 verset 11 dit l'homme voyait parole là li pap tourner vin joine moins sans le pas fait sale gain pour le faire. Donc bon Dieu continuez parler jodi a li parler qui Jean par la Bible. Puis aucun monde dit bon Dieu pas parler encore. Il parle. Il continue à parler, li pas jamais suspendre parler. Qui Jean parler non par Bible. Si ou pas gain Bible, par une Bible dans caille là, ou ka dit bon Dieu pas parler parce qu'ou pas gain Bible. Mais si ou gain Bible en dans caille là, pour quel que soit sujet ou gagner, pour quel que soit question gagner, bon Dieu parler, qui Jean parler par la Bible. Bon Dieu parler jodi a et parole li yo capable changer des cœurs et changer des destinées. Ah ça puissant. Ou besoin changer cœur pour ça pour faire mettre cœur sous influence parole là. Et étant changer cœur là ça l'a fait l'a changer direction à prendre tout l'a changer destinée au tout parce que c'est rôle ça a gagné c'est puissance ça a gagné elle a la puissance le pouvoir de changer des vies de changer des cœurs. C'est pourquoi texte l'a dit, elle est efficace. La Bible, c'est la donne bon Dieu révélé, ça lié. C'est la donne bon Dieu révélé, ça l'aimait. C'est la donne bon Dieu révélé, ça l'vlé. C'est la donne bon Dieu révélé, loi lio, sa justice. Et c'est la donne bon Dieu ba nos moyens pour nous capables sauver. Lui montrer nous qui Jean pour nous faire pour nous sauver, qui Jean pour nous faire pour nous venir dans bonne relation avec lui, c'est exactement dans page Bible. C'est pour ça, zanmim, la Bible li important pour nous même bal place li dans la vie nous parce que li capable changer des cœurs et changer des destinées. De Timothée 3 16 17, un texte que nous tout ca répéter. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, profitable, utile pour corriger, pour instruire dans la justice, pour convaincre, pour enseigner. Pour qui raison? Pour que nous soyons capables de venir tourner un monde qui est parfait. Un disciple accompli sera comme son maître. Donc, l'île pour me suspendre, rempli comme à parole les hommes. Li le pour me suspendre, rempli comme à parole monde là, pour me remplir le pito avec parole la Bible, avec parole bon Dieu, avec la vérité. La Bible, c'est pas une collection de belles déclarations, c'est pas une collection des sentiments des auteurs d'autrefois. C'est ça qui paraît drôle lorsque n'attendait qu'on y a déclaration que dernier et chef de l'Église catholique l'a fait, lorsque il dit la Bible est un beau livre saint, mais comme toutes les grandes et anciennes œuvres, certains passages ne sont pas à jour. Certains appellent même à l'intolérance ou au jugement. Le temps est venu pour voir ces versets comme des interpolations plus tard, contrairement au message d'amour et de vérité qui rayonne autrement dans l'Écriture. Ça, livre le dit là, livre me fait nous comprendre que conseil de bagaille dans la Bible là, que nous capables maintenant changer parce que faut nous évoluer avec temps. Bon, c'est comme si bon Dieu a évoluer ensemble avec temps, de même que nous n'avons évolué, bon Dieu a évolué tout, donc faut que nous commençons à ajuster la Bible à la situation nous y écoune. Oh, ça son soufflet, ton calotte que la Bible apprend encore. Lorsque la Bible apprend, elle dit, moi, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsque nous avons déjà pris la parole de Dieu, la Bible, pour ce qu'elle est, l'apôtre Paul me dit déjà dans la lettre aux Thessaloniques, prendre la parole, non comme la parole des hommes, mais comme elle est en réalité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Lorsque je commence à mettre ça, priorité dans la vie, moi, balle toute priorité, alors quelle que soit belle autre idée qui vit, et quelle que soit hauteur que l'idée ça a vini, moi, pour le faire, ça, l'apôtre Paul dit pour me faire, non, et parole la Romains, chapitre 4, verset 3, lorsque quelle que soit l'idée à venir, c'est pour me prendre ça l'apôtre Paul dit me fait dans Romains chapitre 4 verset 3, moi lis en effet que dit l'écriture. Abraham non c'est en dans Romains 3 verset 4 de préférence. Romains 3 4 et certes non que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. Regardez ceci. Romains 3, verset 4 dit, Dieu, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, quel que soit niveau moun, quel que soit hauteur et institution, je prends toujours Dieu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Donc, quelle que soit la décision, si vous pas aller dans ligne avec parole là, tout homme devient menteur face à Dieu qui est lui-même la vérité. Prends Dieu pour vrai. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand on a la parole, on a Dieu. Je ne change pas ce qui est sorti de ma bouche. Donc, au lieu pour me prendre la Bible comme une collection des belles paroles d'autrefois, je prends la Bible exactement pour ce qu'elle est, la volonté de Dieu. Et cette parole, elle est vivante, elle est efficace, elle a un pouvoir pour le changer, elle a un pouvoir et capacité pour changer l'intelligence. Elle fait comme qui t'est dû, elle vient tout non que tendre. Les bonnes possibilités pour me venir aimer les gens qui étaient difficiles à aimer, mon madame qui est difficile, mon mari qui est difficile, l'homme commençait la Bible, c'était moi, alors que yo était difficile, moi me commençais aimer yo différemment. La Bible est puissante. Frère, sœur, la Bible est puissante. Dans matière, changer cœur. Pas gagner plus puissant que la Bible. La Bible a ce pouvoir, cette capacité pour changer des cœurs. Elle est puissante. Elle est capable de convertir l'âme. Elle est capable. Nous capables de remarquer des fois où nous tendons verset et nous regardons où est verset a fait de l'eau couler dans les yeux. Mouna. Elle est si puissante, la parole de Dieu. La Bible est puissante. Elle est capable de réconforter. Elle est capable de bailler sagesse. Elle est capable de bailler force. Elle est capable de bailler courage. Chaque fois que nous prenons un verset dans la Bible, nous parler verset à son nom, c'est que nous prenons un petit grain de maïs, nous mettons dans la terre, nous plantons une semence. Et la semence a un pouvoir pour qu'elle soit capable de pousser. Et lorsque le pousser en dedans que nous, en dedans, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, des fois, et nous, nous, de racines bois qui nous, pouvoir pour éclater roche là pour le passer. Eh bien, la parole de Dieu a même pouvoir. Elle est puissante et efficace pour le capable percer des cœurs durs, pour le venir rendre sensible, pour le venir rendre tendre, pour que monde ça qui est difficile vienne tourner un monde qui remet. Frères et sœurs, la Bible les puissantes, les renverser des murs de méfiance, des murs et côté et nous tape fait et rancune constamment dans le cœur nous. Mais la Bible a pouvoir pour craser tout mur ça et pour faire des rayons de lumière venir sous la vie nous pour que nous capables tourner exactement comme Jésus voulait nous tourner. Problème non, c'est parce que nous pas bail la Bible chance dans la vie. Nous quitter le chita sous table, nous quitter le fermé. Or ça pour nous faire révélation 1, c'est prends parole ça, mettez-le devant Dieu nous. Prends parole ça, quitter dans oreilles nous. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, pas les opinions. Le problème, non, c'est que nous plutôt prenons les opinions des hommes pour nous mettre en tête, nous, pour nous mettre en cœur. Nous nous plaignons à opinion. Et nous avons déjà dit, nous, ça gagne en opinion. Opinion, c'est façon où nous avons des bagailles. Opinion, c'est gens qui ont des bagailles faites. Et lorsque nous prenons opinion, ça m'baille, m'baille petitement, petitement, m'baille petitement, petit, petit, petit. Donc finalement, nous venons tourner en tradition, nous venons tourner en doctrine. Et tradition, ça, il y a un pouvoir pour lui. Effacer parole bon Dieu dans le cœur. Il prend place là. Mais c'est contraire là pour nous faire. Bail la Bible priorité. Bail la Bible première place là dans la vie nous. Retirer opinion yo, mettez parole là. Retirer opinion yo, mettons verset, déclarer verset à sur vous. Avec l'aide du Saint-Esprit, mandez Saint-Esprit à pour l'aider pour comprendre parole là connia. Parler parole là sous nous. Premier geste là, déclarer parole là sous nous. Vous avez un problème là, nous voulons compliquer les choses alors que bon Dieu simple. Ça bon Dieu dit, parler parole là. Lui dit, juste contentez-moi, parler parole là. Alors ça pour me faire, parler parole là. Me dit ça, me dit, déclarer parole là sous moi. Et maintenant, l'homme finit déclarer parole là, mandez Saint-Esprit pour l'expliquer ma parole. L'homme comprend les kounia, ça me fait m'expliquer l'autre monde. Quand il commence à prêcher kounia, me commencer à faire disciple, m'a expliquer l'autre monde parole là. Mais étant m'a expliquer la parole là, m'a appliquer dans la vie tout. Qui ça texte là veut dit? Qui ça texte là dit? M'exposer parole là. M'interpréter parole là et nous gagnons des clés déjà comment pour interpréter parole là rester dans même contexte côté le dit pas dit ça me penser dit dit ça moi devant moi bon Dieu bonne possibilité pour me lire parole là pour me comprendre alors ça pour me faire dit ça moi expliquer parole là interpréter parole là et surtout appliquer parole là donc quitter Biboua ouvert devant Dieu. Je vais vous un plus bel conseil que ça, je dis. Quittez la Bible ouvert devant Dieu. Écoutez-le dans les oreilles. Ou gen moyen qu'on n'y a pas internet pour tendre des messages. En pile ministère qui a parlé des bonnes paroles de la Bible, ouvrez oreilles, quittez paroles là dans tête. Toujours qu'on dit moun ou alors une chita non machine blocus encore. C'est le côté capable faire un pile colle, c'est le capable et chiper, le capable que ton bon bail passer dans tête tout. Alors attendez non. Dans radio là, dans machine ou gen radio. Mettons CD. Tant de paroles là. Tant de paroles là. Ou pour manquer que blocus là, ou marcher à blocus là, ou pour manquer que ou gon bagay ka fait. Exposer cœur à paroles là. Quittez Bible là dans oreilles. Quittez devant yo, quittez dans oreilles pour l'atteindre cœur. Ou même prédicateur qui a écouté m là aujourd'hui, ou même pasteur, prédicateur qui a écouté m monter niveau standard message ou yo par la parole de Dieu. Li pi belle pour nan pou seul verset puis avec seul verset ça nous parler, nous dit expérience, nous parler maintenant remonter niveau a. Bay bon Dieu plus la parole. Ouvrez Bible là, li texte là, exposez moun yo à parole là. Ou même k'ap koute m. Mwen dou ça déjà, c'est pas parce que son monde qu'on connaît, un monde qu'on fait confiance toute ça dit pour valer. Non. C'est pour ça Bible dou ou capable ou même discerner veut dire distinguer de ou même ce qui est juste pour qui raison parce que ou gagnent nan ou 1 Jean 2 verset 20 l'onction qui est ton professeur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit en dedans. Donc, c'est lui qui inspire la Bible. Ça me fait. Je prends la Bible. Je prends le Saint-Esprit. Je fais le Saint-Esprit qui inspire la Bible. Expliquer la Bible. Fais-moi comprendre la Bible. À partir de ce moment, ça vient passer. La Bible vient tourner pour moi un filtre. Pour moi, ça prédicateur a dit, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? M'pas valer toute bagaille. Donc, si prédicateur a dévié de piste là, c'est qui ça? La parole de Dieu. Alors, m'gè Bible là, même comme ça, si son monde gè accès à lui, m'al dit, mon frère, m't'étendais son tab dit, mais le m'ouvri Bible là dans tel verset, moi rends moi compte que ou dévier le piste là. Oh, n'ayez pas peur des hommes. Donc, frères et sœurs, ou gain accès personnellement à la parole de Dieu. Donc, si ou est ça qu'a dit à dévier piste là, maintenant, ou pas capable à joindre mon nom, ou même ou compte ça pour faire. Aller côté parole bon Dieu a parlé côté qu'a exposé à parole là donc ou gain temps pour l'île ou gain accès à l'île ou même et ou on nous compte que là puis là dévier de temps en temps ou même ou pas obligé rester yon côté parole bon Dieu a pas parler avec sincérité dans oreille. Parce que tout ça va prendre crochu à venir en nous même tout ou venir crochu sous remain propre tête tout fait sa Bible à dos fait rester discerner la vérité et marcher dans la lumière. Job moi en tant que prédicateur, Job moi en tant qu'enseignant, Job moi en tant que professeur, c'est communiquer la vérité de Dieu. Ça, bon Dieu, enseigner au peuple de Dieu. Et ainsi, lorsque m'enseigner peuple la parole, là, lorsque m'en peuple la ça, l'idoué gagner, notre lisseur White qui dit déjà, il faut donner au peuple la Bible tout entière telle que Dieu l'a donnée. L'homme fait ça, ça me fait vacciner mon. L'homme qui est timoun, moi, je parle parole là, je vaccine. Parce que timoun n'a pas arrivé de yo. Le arrivé de yo, il fait face à un virus. Dans la classe, dans l'école, dans le secondaire, il peut jouer des virus. Mais si je ne pas vacciné par la parole de Dieu, le virus ça a atteint. En tant que prédicateur, mais pour ça, nous prêchons l'église là. Pour chaque jour, nous vaccinons mon yo par la parole de Dieu. Pour que quelle que soit et fausse théorie, fausse doctrine yo joigne de yo, pour que yo capable de gagner un système qui est solide pour permettre yo défendre contre les erreurs, contre les mensonges de ce monde. Problème, je dis, c'est que y'a un pile prédicateur qui peut parler parole là, Jean bon Dieu dit yo parler là. Yo parler parole là, mais de façon biaisée. Yo parler là avec compromis, m'a dit non ça. Toute plante, son texte que nous lit dans Matthieu 15, verset 13, nous pouvons déjà converser ça par cœur déjà. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Avec verset ça, ça a déjà bam déjà route pour me suivre là. Si m pa prêcher yon bagay, m konnen ki pi devan ap déraciné. Parce que si c'est pas la Bible qui dit, bon Dieu pas intéressé à li. Et tande ça, si Bible a pas dit yon bagay, ou pas besoin bagay ça. Tout son gen besoin li dans Bible. La, Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est ça n'a fait, monsieur. N'a pas sondé la Bible, n'a pas fouillé, n'a pas cherché, parce que nous pensons que n'a pas joint la donne la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, la Bible. Objectif la Bible, c'est parler de Dieu, révéler la volonté de Dieu, c'est mettre en mesure pour que je sois capable de marcher ensemble avec lui. Maintenant, si je prêche un bagage avec compromis, j'ai une autre petite phrase pour me songer. Tout bagage obtenu par compromis m'a fini par perdre. Tout ça, moi, obtenu par un compromis. Compromis, on veut dire, un coup mal taillé. Compromis, on veut dire, la nuit, les chats sont gris. Tout ça, moi, obtenu, sac, ou un chat dans sac, m'a perdu le quand même. M'pas la voix. Tout ça, son coup de crayon fait pour gagner. Un compromis. On casse fait couvrir un bagaille. On découvre Saint-Pierre, couvrir Saint-Paul. On compromis. On a fini par perdre. Donc, en pile fois, conseil de parole, n'ont pas qu'à parler parce que n'ont pas voulu déranger mon yon dans l'église là. Le n'ont pas parlé mon yon pour nous déranger, pour parce que n'ont pas voulu déranger dans l'église là. Non dérangé ou ak bon Dieu. Parce que moun sa, li pap formé. Moun sa, li pap grandi. Et moun sa, nou pa fait le bien du tout. Eli te dit des paroles qui te dérangé ou ak kote le tap vivre là. Jean-Baptiste dit des bagay qui te dérangé ou ak kote le tap vivre là. Jésus le vili commence à enseigner des choses qui dérangeaient le système religieux, tout pharisien fâché. L'apôtre Paul, dans la parole, l'a parlé, ça dérangeait l'autre monde. Donc, job moi en tant que prédicateur, c'est pas juste prêcher pour me faire mon plaisir, mais c'est prêcher la justice de Dieu. Prêcher l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, la guérison de Dieu, la restauration de Dieu, l'espérance de Dieu, la résurrection, la vie éternelle. C'est job moi en tant que prédicateur. Mais aussi, non, ça m'a prêché, quand la Bible dit, mais enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. La Bible enseignait moi aussi pour me parler de la repentance. La Bible enseigne pour me dire méchant mais ça cap vini pour lui. La Bible dit faut me parler de l'enfer. L'enfer son bagage qui est réel. La Bible parlait de la mort comme résultat du péché. Le salaire du péché c'est la mort. Donc si m'gen moun kapé et vive nan péché ou l'aime des bons, c'est pour me déjà faire moun nan connaît résultat li. Ça l'attend, c'est la mort. Quel que soit et donc que le capable bail, quel que soit position que le capable occuper, mais de pouvoir vivre dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Notre job en tant que prédicateur, c'est de prêcher la parole. Et Jean 8, 32 me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et quand on parle de la vérité, nous parlons de la Bible. La Bible capable mettez en pile impact dans la vie au monde. La Bible capable influencer la vie au monde, changer destinée au monde. Ou tu es en direction pour aller dans l'enfer, ou fait face à la Bible change en direction, les voyons dans le ciel. La Bible a pouvoir ça pour le capable changer. Donc ça pour me faire qu'on y a c'est quoi dans parole la Bible. Enseignez-le. Quoi la donne. Quel que soit le monde qui vient dire, pas quoi la donne, ça c'est problème pas monde. Mais moi, quoi la donne. Dans le monde que nous vivons, au monde côté toute bagaille et mon incrédulité est fort devant tout le monde, eh bien nous-mêmes, qu'est-ce qu'on nous fait? Rester attaché à la vérité. Quoi sa parole l'a dit. On nous lit 2 Timothée chapitre 4 au moment. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Mais ça l'apôtre l'a dit à Timothée. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Oh, nous vivons longtemps côté Mounio. Yo gagne ça yo rele la démangeaison d'écouter les bonnes choses. Toute bonne parole dérange yo. Mais toi, dit le texte, reste attaché à la vérité. Sois sobre en tout, supporte les souffrances. Fais l'œuvre de bon évangéliste, d'un évangéliste. Remplis ministère bien. Donc, yo pito kounia. Li pi facile pou ba yon fab. Et fab la yap accepte l facilement. Lololo, j'ai fait. Mais la parole de Dieu, qui gagne pouvoir pou changer yo, yo pa vle tende ça. Dans le monde kote nan viv la, yon monde moderne. En pile fois, moun yo plus rete sou. Yon expérience au lieu de venir sous la vérité. Philosophie li aide pour construire yon bonne croyance, yon bonne conception, yon bonne doctrine. Mais doctrine sa yo, lo rentre là-dedans yo ouais, yon écarté de Dieu. C'est yon manœuvre diable. Bon série de de bagages pour qu'elle soit occupée. Oh, nous tellement occupés, nous tellement occupés que finalement nous étions éloignés, écartés de Dieu, écartés de la parole de Dieu. Frères, nous devons résister à cette tentation. Quelle tentation? Pour nous compromettre la Bible, compromettre la parole de Dieu. Me lever même moins sous parole, sous Bible. Texte la dit, si quelqu'un parle, que ce soit d'après la parole de Dieu. Donc, ou même quand vous je dis, hein, si ou pas l'écouter, sa Bible a dit, hein, ou mettre fermé, ça, parce que ça n'a pas dit, hein, faut ou capable vérifier la Bible. Hein. Si ça dérange, ou, il n'est pas dérangé pour le katouyo. Mais le dérange justement parce que les vle pour saute kotoya pour venir sous rail là. Pas oublier tout ça. De pour sous rail là, quelle que soit vitesse ou courir ou arriver quand on prale. Mais rester sous rail là. Gan pile pasteur, pile dirigeant qui voulait gagner rapidement en croissance, rapidement en grande église. Mais yo compromettre certaines choses dans parole là. Pour yo intéresser un groupe de monde donné. Mais rappelez tout ça prend par compromis ou finit par perdre. Et toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. Ça fait me songer encore à Proverbe 30, verset 5, 6, qui dit, pas ajouter dans la parole là. Et Apocalypse parle dit tout lui-même, pas retrancher tout la donne. Tout ça rajouté, tout ça retranché, le paraître au grand jour ou même ou apparaître pour you menteur. Nous devons quimber pour vérité. Même quand nous paraître seuls, nous poukons dans route là. Mais depuis nous poukons avec vérité, mwen ba ou garanti, tout le ciel ap mache de do. Tout le ciel ap mache de do, lorsque ou campe pour la vérité. Et la vérité, quel qu'en soit le prix. Frères, sœurs, zanmim, rete attaché à parole. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. La parole de Dieu est contraire au message de ce monde. Parce que l'apôtre là dit moi dans parole, il y a l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie. Et l'esprit, c'est la parole. La parole, c'est l'esprit. La parole donne vie. La parole est vivante. La parole est efficace. Donc, lorsque moi arrêté dans l'affection de la chair, ça veut dire, moi arrêté dans environnement parole là. Lorsque moi arrêté dans environnement parole là, c'est la vie. Mais environnement chair là, environnement parole monde là, c'est la mort. Le monde, capable de gagner plusieurs chemins pour rejoindre bon Dieu. Tous les chemins mènent à Rome. Nous entendons des petites paroles, ça. Mais il y a un seul chemin qui mène dans le ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Pas rien d'autre encore. Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible était toujours s'allier à la Bible. Le monde évoluait avec le temps, mais pas la Bible. Le monde dit que l'avortement est un choix. La Bible dit que l'avortement est un meurtre. Parce que le texte l'a dit, depuis l'heure où tu es une masse informe et vide, tes jours étaient déjà comptés. Dieu t'a vu depuis le Rwandan comme une masse informe et vide. Donc l'avortement, Lorsque le monde dit c'est un choix, la Bible dit c'est un meurtre. Le monde dit que l'homosexualité est un style de vie alternatif. La Bible appelle une abomination. Abomination, ça veut dire son bagaille que bon Dieu, pas vle ouais. Son bagaille qui vraiment sale devant Dieu, bon Dieu. Le monde l'appelle un style de vie alternatif. Mais Dieu, par la Bible, appelle une abomination. Le monde dit, fais sauve les faits de pour un mail. Mais la Bible dit, toi, tu observes les commandements de Dieu. Tu ne suis pas les principes du monde. Romains 12, 2 dit, ne vous laissez pas mouler par le moule du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez de préférence renouvelés par l'intelligence. Un renouvellement d'intelligence, c'est prends parole, bon Dieu, hein? Tu veux que la vérité soit où ça? Au fond du cœur. Mette parole là. Mette parole là pour renouveler l'intelligence. Pas oublier, on dit ça déjà. Parole là, parler le sourd, c'est dans le cœur de tomber premièrement. Dans partie, tomber dans le cœur, plus ou pas la parole là, plus ou pas la parole là, plus ou pas la parole là, c'est à qu'on prend, ou prend un bol, ou mettez l'en bâtiment, mais plus bol là, même quand on goûte, on mettez chaque jour. Mais on leur a privé, ou après, goûte ça qu'on mettez encore, il déborde. Et le déborde, il tombe sur la deuxième assiette là, qui c'est intelligence. C'est comme ça qu'on renouvelle l'intelligence là. Lorsque le cœur a rempli la parole là, il commence à déverser son intelligence là. Et puis il a renouvelé. Intelligence là renouvelée, et puis ça connecte passé. Le deuxième assiette, ça a fini plein, il est débordé dans le troisième là. Troisième là, c'est corps. Corps, c'est là qu'il y a une maladie. C'est là qu'il y a un cancer là. C'est là qu'il y a une tension. C'est là qu'il y a un diabète là. Plus ma mette parole, bon Dieu, ya. Somme 107, 20, il envoie sa parole et les guérit. Donc, plus ma mette parole là, la déborde sous nomme. Plus il déborde sous nomme, il déborde sous comme. Et tout ça sale encore, la parole là, il y a un pouvoir pour le jeter. Il prend place là. Plus, moi, baille parole la place, plus parole là, retire le monde dans mon cœur. Et plus je baille le monde place, plus le vini li retire parole là dans cœur. Donc le retire parole là dans cœur, le salif fait me fait ça, le fait. Et résultat, l'affection de la chair, c'est la mort. Frères et sœurs, le monde dit, couchez côté ou vle, avec mon ou vle, j'en vle, seulement, prudent, mettez barail pour protéger, mais la Bible enseigne autre chose. La Bible dit nous que le lit conjugal doit être resté pur. Et Dieu juge les adultères et les fornicateurs. La Bible enseigne que la convoitise d'une femme est même déjà un adultère. Restons attachés à la parole. Si nous campons pour la vérité c'est parole. Nous pourrons paraître même ridicules devant l'autre monde. Ils ont critiqué nous. Ils seront contre nous. Et nous capables même persécuter. Jésus expliquait ça dans Matthieu 5. Mais, continuez, restez dans la parole. Puisque bon Dieu t'a ordonné, et les paroles de Dieu. 1 Timothée 3, 15, nous parlez-nous de ça, nous il est la colonne de vérité. Bon, le diverser ça ensemble avec nous. 1 Timothée 3, verset 15. L'apôtre Paul dit, 1 Timothée 3, 15. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais ça, l'église là, l'église de Dieu, la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'eau campée pour la vérité, mais la vérité campée pour tout. Et la vérité, c'est Dieu. Dieu est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Méthode Dieu capable de changer. Pasteur yo capable de changer. Style musique ou attendez est capable de changer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Aussi ça t'es capable de retenir l'esprit aujourd'hui. Système ou suivre la changer. Style musique ou attendez a changer. Méthode pour prier est capable de changer. Chaque ou nombre d'années yo capable de changer pasteur dans l'église ou. Mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu demeure éternellement. C'est pour raison ça, tout ça n'a fait en tant qu'église. 1 Timothée 3:15 nous dit que l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Tout ça n'a fait en tant qu'église doit gagner comme fondation les Écritures. Sinon, faut que nous suspendions faire et retournions dans la parole. Quel que soit ça m'a enseigné, quelle que soit la doctrine, quel que soit ça m'a fait, si la Bible pas dit-li, et nous avons déjà étudié dans un concept, dans un clé, que ça la Bible a les doctrines de Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Enseigner à ces doctrines. Doctrine, moi je dis, ce n'est pas un sujet que je fomente, je cherche un verset là, je courais et puis je dis, bon, je vais doctrine. Non. Doctrine, c'est un enseignement de Dieu. C'est une bagaille que Jésus prescrit les doux enseigner ça. C'est pas mal de ou même à former, créer doctrine, c'est pas ça le dos. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc si dans l'église là, bon bagaille moi m'a fait. Dis pas chita sou une doctrine claire de la Bible suspend faire. Suspend faire. Parce que toute plante que papa a pas plantée, l'a déracinée. Vous imaginez qu'on y a, ou fait tout le temps un bagaille qui peut le déraciner. Ah! Frères et sœurs, baille la Bible, place-le dans la vie. Enseignez la vérité la Bible. Prédicateur, pasteur, enseigne la parole. La parole, l'apôtre l'a dit, insister en toute occasion, favorable ou non, enseigner, reprendre, mais rester dans la parole. Parce que nous sommes l'Église. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas des doctrines. Ce n'est pas des opinions. Et nous faisons différence déjà entre une doctrine claire de la Bible et une opinion. Doctrine claire de la Bible, c'est ça la Bible a enseigné. Mais et opinion, hein, c'est ça où moun pense. Et moun sa pour toujours vle pour ça le penser à passer. Si m'a pas vle pour ça le penser, nous quand même goumen pour ça. C'est ça qui fait moi que m'en fasse une opinion au lieu de une révélation de la Bible. Toute plante que papa m'a pas planté, l'a déraciné. Donc, notre part, votre part, c'est d'appliquer la vérité. Ça va vous dire rien. Si m'a une Bible là, si t'as sous table, moi, hein. Mais ça qui est important, c'est qu'on sac la donne. L'homme qu'on sac la donne. On va nous rester rapide devant. C'est comprendre-li, et l'homme comprendre-li, qui tes paroles, ça, changer la vie. L'homme comprend que tes paroles là lui-même changer la vie. Parole là forme quoi les recevoir l'homme quoi le recevoir ça le fait. Nous te voyons ça déjà. Parole là lui vini lui ranger la vie. Lui ordonner la vie. Tout dégâter la donne yo, tout détail yo qui était yon sous l'autre lorsque parole l'arrivée li arrimer la vie. Vous savez, il y a rimé. Leur gagne marchandise, vous mettez sac du riz, sac maïs, sac pois. On y a grand monde qui vient pour arrimer sa classe, pour qu'elle fasse petit chemin pour en plus, le bien arranger. C'est ça la Bible fait dans la vie. Exposer la vie à la parole de Dieu. Exposer vie à la parole de Dieu. Bali place. En Thessaloniciens 2:13, la parole de Dieu, bal place. Et lorsque le constamment aurait la donne. Yeux la donne, oreilles la donne, cœur vient remplir, cœur a commencé à déborder, changement a commencé à opérer dans l'amour, et corps a réagi automatiquement, par la vie, par la santé. Et ainsi, quand on passe, vient tourner au parfum d'une agréable odeur à la gloire du Seigneur. Et c'est aussi pour votre bonheur. Rappelez-vous, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est ma prière pour vous et aussi pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.